Entre alors Macbeth en costume de roi et Lady Macbeth en costume de reine, suivie de nobles, dames et autres seigneurs. Comme Macbeth invite Banquo et son fils au dîner, Banquo, en attendant le repas, part se promener. Et Macbeth est inquiet. Nos craintes se fixent profondément sur Banquo. Dans sa royale nature règne tout ce qui est redoutable. Il est homme à oser beaucoup. Et à la trempe intrépide de son âme, il joint une sagesse qui guide sa valeur à une action sûre. Il est le seul dont je route l'existence. Et mon génie est dominé par le sien. Comme dit-on, Marc-Antoine l'était par César. Il a apostrophé les sœurs quand elles m'ont décerné le nom de roi et les a sommées de lui parler. Alors, d'une voix prophétique, elles l'ont salué, père d'une lignée de rois. Elles m'ont placé sur la tête une couronne infructueuse et mis au poing un sceptre stérile que doit m'arracher une main étrangère, puisque nul fil ne doit me succéder. S'il en est ainsi, c'est pour les enfants de Banquo que j'ai souillé mon âme, pour eux que j'ai assassiné le gracieux Duncan, pour eux que j'ai versé le remords dans la coupe de mon repos, pour eux seuls. Mon éternel joyau, je l'ai donné à l'ennemi commun du genre humain pour les faire au roi, pour faire au roi les rejetons de Banquo. Ah, viens plutôt dans la lice, fatalité, et jette-moi un défi à outrance.